Directement des studios de C'est Fou à Trois-Rivières, c'est pas Télé-Hibou, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonsoir et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 12 au 18 octobre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante avec vous pour deux heures de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir. Et ce n'est pas par prétention qu'on dit ça, c'est parce que c'est les palmarès, c'est le sommet. C'est, comme j'aime bien le dire, la petite croûte qui se forme au-dessus de votre crème au poulet cette semaine. On a quelques nouvelles entrées du côté francophone. En fait, il y en a une seule, c'est le ski. On s'en va l'entendre dans quelques secondes. Du côté anglophone, c'est Invisible Man avec Life on Earth de l'album Music for Lost Souls and Misfits. Mais comme je le mentionnais, voici tout de suite la nouvelle entrée en 15e position francophone. C'est le Husky et David Bowie au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. Dans les rues, donne-moi un marteau. Je m'en vais me construire un bateau. Avant de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, je veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. secret to surviving life is not to let them break your heart. Invisible Man avec la 15e position anglophone, une nouvelle entrée, c'est Life on Earth de l'album Music for Lost Souls and Misfits au palmarès. C'est fou, juste avant, du côté francophone, c'était aussi une nouvelle entrée pour le Husky avec David Bowie de leur album Chanson moderne pour Cynique romantique. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, l'émission qui vous présente la musique de demain aujourd'hui avec Mathieu Plante. Et cette semaine, ben, j'ai le plaisir d'être accompagné, d'une stagiaire incroyable. Oh, on va l'appeler comme Mathieu. Ça. Bonsoir Virginie. Bonsoir Mathieu, ça va bien? Ça va bien toi? Ben évidemment, oui. Heureux de t'avoir parmi nous dans les studios. Ben merci beaucoup, je suis heureuse d'être là aussi. Sortie de ta cage. Ouais, il faut dire que Virginie est une connaissance des palmarès depuis très très longtemps. Et mais voilà. La voilà qui se plonge au micro. Je plonge et je replongerai certainement. Sa tombe est encore dans le coin de la pièce au cas où qu'elle tombe morte de stress. Merci Mathieu. Oui, d'accord, c'est bien que je le dise comme ça. 14e position anglophone, on s'en va entendre New Pornographers avec My Rights vs Yours. Mais juste avant, voici la 14e position francophone. Virginie, aide-moi avec ça, s'il te plaît. Eh bien, ce sera Brise-glace de Jacques Maure, de l'album éponyme Jacques Maure. C'est vrai, lave-la, regarde ça. Et voilà. C'est les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. C'est ça.

presque un soupir. Et je donne ma langue au chat. Dans mes mots, tu les comprendras. Pendant que mes mains sur toi écrivent, pendant que mes mains écrivent sur toi des parchemins de soie. Dans ta tête, je lis des mots qu'un aveugle lirait. Avec Let's Drink en 13e position anglophone, ça descend d'une place 9e semaine de présence. Leur album, c'est Tervas Canto. Et juste avant, c'était Colette du côté francophone. Ça remonte d'une place et leur pièce, c'est À la surface. On saute par-dessus nos 12e et 11e positions, n'est-ce pas, Virginie? C'est en effet, nous allons sauter par-dessus. La 12e position francophone, c'était « Comment ça va, Mark Hamilton » de Johnny 5, de l'album éponyme encore « Johnny 5 ». En 11e position francophone, c'est la Baroque Machine avec « Pas de tes affaires », l'ancien numéro 2, donc une petite légère chute de 9 places. Légère, un petit peu mal. Numéro 12 anglophone. « Our life is not a movie or maybe » de OK Kerrville River. Et le 11e anglophone, pardon, remonté de 3 places pour « One Man » de la formation « Eulogies ». On s'en va directement aux 10e position. Du côté anglophone, c'est « Sounds of Mass Production » avec « I Waste You ». Mais avant, voici le côté francophone. « Aspirine » de Navia Conti. Tout de suite au Palmarès, c'est fou au 89.1. FM. Palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM! Oh yeah! Ouais! Yeah. Sounds of Mass Production avec I Waste You. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière, maintenant c'est en 10e anglophone. L'album s'appelle The Treatment. C'était précédé de la pièce francophone de qu'on appelle la position numéro 10. Aspirine de Navet Confit. Ouh! Hey, c'est stable en 10e ça. C'est quand même très stable, en effet. Quatrième semaine de présence, donc ça va bien, ça monte pas vraiment, mais au moins ça descend pas. Non, mais ça reste. C'est ça existe. Important. La pièce existe, on peut. Et voilà. Elle est là. Comme toi. Et voilà, je suis là. Salut. On est rendu à nos 9e position. Du côté anglophone, on s'en va entendre The Answer avec Into the Gutter. Mais tantôt, là, on va avoir deux copies du nouveau CD de Orphis, plus tellement nouveau, mais quand même The Answer, ça s'appelle Rise, deux copies tout à l'heure, mais avant. Voici le numéro 9 francophone. Alinéa de El Motor. El Motor, au palmarès. C'est fou. À la radio, campus. De Trois-Rivières. Pas facile, hein? Pas facile. Non. Autant vous dire n'importe quoi que dire ce que vous savez déjà. Se faire vider la tête par une épidémie de verre. Votre perroquet le savant, votre copie absinthe. tout de suite, voici The Answer avec Into the Gutter, la position 9 anglophone. Dans quelques secondes, qu'est-ce qu'on fait, Virginie? On fait tirer deux CD de ce groupe-là. On est fous, je pense. Je pense qu'on est fous. On est fous dans la tête! On est fous parce qu'on est assez fous! Dans vos oreilles! C'est fou, c'était précédé du côté francophone par El Motor. Et la pièce Alinea, oui, ça remonte de 3 places, voilà. C'est vrai. C'est un single, ça vient d'un album qui sort bien. Depuis tantôt, on parle du concours. Les palmarès, c'est fou. The Answer, on a deux CD Rise de la formation The Answer que vous venez à peine d'entendre il y a quelques secondes. Qui était, ma foi, excellent. C'était fort. C'était fort. Ça vous a fait lever le bout comme Rise, c'est le nom d'album. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre en studio est le suivant. C'est le 819-376-5183. Les auditeurs du vendredi soir seulement. Si vous écoutez ailleurs, oubliez ça, c'est trop tard. Dans quelques secondes, je vais vous donner le signal. 819-376-5183. C'est en studio, en direct, pour nous parler à nous. Là. M2. Plus à moi. Ah, ok, c'est bon. Ok, non, ça va être Virginie qui va répondre. Non, non, non, non, non, non, ça va être... non, non. Okay. Voici tout de suite du côté anglophone, c'est Stars avec Bitches in Tokyo, mais c'est précédé de Major Billet avec Les Mouches. 819-376-5183, le signal, c'est maintenant pour The Answer et Rise. Tu oublies au coin d'une rue que tu t'enfuis, que je deviens. Les saisons passent, le monde se tasse, le peu qui excite t'attire. Les mouches, de vieux pains, de vie. Que tu gardes en main et que tu sens pas. Que tu gardes en main et que tu sens pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient d'endormir ton cœur, qui oublient de peindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, on va t'en Stars avec Bitches in Tokyo. C'est très très bon et c'est en 8e position anglophone. Ça monte de 5 places. L'album, c'est In Our Bedroom After the War. Et on espère que ça va continuer de monter comme ça. J'espère bien pour eux qu'ils vont devenir des étoiles montantes, des étoiles filantes. Wow. Non, mais c'est un groupe quand même assez connu, mais c'est sur mon palmarès depuis que quelques semaines. D'accord. Du côté francophone, c'était Major Bidet. Avec les mouches. Le sketch de c'était dans Bruno Blanchet, c'était dans le studio avec Guy Jodoin. Il y avait un sketch à un moment donné. C'était une mouche. C'est que le patron, il y avait une mouche à la tête. Oui, oui, tout je me ça me rappelle ça. Mouche. Il était pas capable de dire mouche, il disait bouche. Quelque chose. Il y avait comme drôle. Quand bon même. Moment de ma vie, ça, le studio. OK, donc ça, c'était nos 8e position. On est déjà rendu à nos 7e. Les choses avancent. On se rend vers notre numéro 1 d'ici à 19h et vendredi soir. D'ici 19h, on n'a pas le choix, ça va vite. C'est ça. Donc, on s'en va entendre tout de suite nos 7e position pour clore cette première heure. Du côté anglophone, c'est Figurines avec Childhood Verse. Mais tout de suite... Ne pleure pas de Geneviève et Mathieu. Pleure pas, Virginie, non, là. OK, j'arrête. OK, t'es fermé. Je ferai tout ce dont j'ai rêvé. Je me dirai tu es vraiment. Je ne sais pas pourquoi je souris tout à coup, je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne m'en souviens pas. Ne pleure pas, le temps est, le vent reviendra secouer mes mains si tièdes. Ne pleure pas, amour et forêt. Sous les vents, mélodie, ta mélodie. Je sais, je n'en veux pas de ce sentiment-là. Je sais, je ne ris pas souvent. Je vois des picots blancs. Mélodie légendaire, j'aurais tant aimé qu'elle existe toujours en dehors de moi. C'est quand je la touche qu'elle apparaît. Et nos numéros 5 et 6, c'est 4 et tout plein d'autres chiffres. C'est les palmarès, c'est fou. C'est une émission de mathématiques. Ça, ça. Oh, je vais quitter d'abord. C'est une émission de mathématiques. Ok, je m'en vais moi aussi. Bye. Ok, bye. On a décidé de rester en fin de compte. Ben oui, on pouvait pas s'en aller quand même. Ben quand même pas, il nous reste une bonne heure des palmarès c'est fou pour la semaine du 12 au 18 octobre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Virginie Cossette. Hey, bonjour à vous à la maison, que vous soyez. On est heureux de vous avoir pour cette deuxième heure des palmes. Très, très heureux. La bande de petits palmiers, vous. Ah, palmiers, palmiers. C'est l'heure de terminer nos 7e positions parce qu'on n'a pas encore entendu le numéro 7 anglophone. Voici Figurines et Childhood Verse au palmarès. C'est fou! Ça, tu le savais, t'aurais pu le rajouter là. C'est fou! Au 89.1 FM! All alone, Figurines avec Childhood Verse, l'ancien numéro 1 anglophone, s'est rendu en 7e position. C'est plate, mais je pense que ça va partir bientôt, ça, Figurines. Ça fait au moins 6 semaines que c'est là. Ouais. Dommage. C'est dommage. Il lui reste encore quelques petits minutes. Je pense qu'il est sur sa fin, mais il lui reste encore un petit peu. Il est sur sa fin, mais il va rester encore un peu. Voilà. Juste avant, c'était notre côté francophone. Avec Ne pleure pas de Geneviève et Mathieu. On devrait dire ça à Figurines, hein? Ne pleure pas. Oui. Ça va passer. Mais oui, ça va passer. On peut-être y revoir avec une autre pièce plus tard. Sûrement. Pourquoi pas. Vous écoutez Les Palmarès C'est Fou, l'émission qui vous fait découvrir ce que C'est Fou a de manière à vous offrir. En fait, c'est un condensé de succès. Et hein? Voilà. C'est comme un trail mix. Un trail mix? Noix mélangées. Hein. Ah oui, c'est on comme aime ça. Le meilleur des noix dans un même sac. Ouais. On est heureux. On est heureux quand on en mange, donc on est heureux quand on écoute Les Palmarès. C'est par association. Par association. C'est, la vie, c'est Les Palmarès. Les Palmarès, c'est la vie. Donc, les trail mix, puis tout le monde mange, puis tout le monde est heureux. Ça a rien à voir. Et voilà. On s'en va entendre nos positions numéro 6 et 5, dos à dos. Voici tout de suite la position 6 anglophone, Hot Springs avec Ed Rush, précédé de Les Dorothées des Putes de Paris. Oh oui! Oh! Oh, palmarès! C'est fou! Je t'ai pris par surprise. En effet. Comme moi, parfois on a besoin de compagnie. Et les nanas chouettes sont à Paris, c'est pas vrai, ça, maman? Oh, oui, c'est vrai, Jaco, je me souviens, en 1947, j'avais 20 ans, j'étais un jeune gaillard. Sur le Luxembourg aussi, il pleut des putes. Sur la banquette arrière du Thierry Ardisson, il pleut des putes. Sur le cercueil de Joe Dassin, mais la prostituée me dit: je prends pas les francs. Et moi je lui réponds: tu les prenais avant. Et le proxénète me dit: ça a changé maintenant. De Molière, il pleut des putes. Sur le bureau de

C'était la position numéro 5 du côté anglophone, montée de 4 places. Troisième semaine de présence, ça se rend direct au sommet, comme on dirait. J'allais dire direct au sommet, mais direct, c'est plus dedans. Donc, ça s'en va au sommet très, très bientôt. C'est Steve Hill qui va être quoi? Tous ensemble, King of the Hill. Le roi de la montagne. Non, mais tiens, t'as pas le choix, là. Oui, avec choix. Un nom comme ça, t'as pas le choix. C'était précédé de DJ Matton Frack. Lettre à un cowboy. Lettre à un cowboy. Très, très bonne pièce. C'est génial. Ça monte de 10 positions. C'était aussi... en fait, non, c'était pas aussi. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Ça monte de façon fulgurante. On pourrait dire que le cowboy va attraper la position numéro 1 sur l'asso. On espère. Oui. On est rendu à nos positions numéro 4 et les choses vont très, très bien. Mais avant de passer à ça, on va faire un bloc position 4 et 3 ensemble, je pense, encore une fois. On y va. On va passer, on va tourner la page, comme dans les livres cassettes. On vire la page, on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmes. Pourquoi pas? Donc, pour ceux qui savent pas, pour ceux qui sont pas au courant, les palmarès, c'est fou. C'est plus que seulement un top 15 francophone et un top 15 anglophone. C'est aussi un top 10 électronique, hein? Un top 10 loud, c'est quoi aussi? Un top 3 des disques canadiens. Ouais. Et un top 30 des albums. Tout à fait. Évidemment. Ben évidemment, quoi d'autre? Ben non. Donc, regardons les nouvelles entrées du top 10 électronique. Il y en a pas. Regardons ça. Il y en a pas. Donc, voici le top 3. En troisième position, c'est stable pour Proof of Concept avec l'album View from Above. En deuxième, c'est stable pour Jersey avec l'album qui s'appelle simplement la lettre A. Hey. Okay. Et le numéro 1, c'est stable, troisième semaine de présence, c'est Mind in a Box avec Crossroads. Mmh. Top 10 loud maintenant. Top 10 loud, deux nouvelles entrées. L'album Gambling with the Devil de Helloween et Better Motherhead than Dead de Motorhead. Mm-hmm. Et voilà. Ben, pourquoi pas. Position numéro 3, c'est une descente d'une place, 9e semaine pour Corpiclani avec Tavascanto. En deuxième, montée de 4 places pour Nightwish avec Dark Passion Play. Et le numéro 1, c'est stable, c'est Iced Earth avec Framing Armageddon. Top 3 des disques canadiens maintenant. Allons-y avec le numéro 3, une nouvelle entrée, Hot Spring avec Volcano. Deuxième. Le King of the Hill. Oui. Steve Hill avec Devil at My Heels. Et le numéro 1, c'est stable. Troisième semaine pour The Details avec Draw a Distance, Draw a Border. Côté des nouvelles entrées du top 30 des albums, il y en a plusieurs et on va, je crois, devoir se partager la job. Hein? Pourquoi pas. Donc, position numéro 30, c'est stable et on l'adore. On l'adore, en effet. C'est Sandra Lerche avec Dad in Real Life, la trame sonore du film. La trame sonore. Qui est, ma foi, excellente. L'album au complet, on se l'est partagé, on se l'est procuré. Oui. Virginie et moi, et puis on écoute ça non-stop. En repeat. Position numéro 29, c'est aussi une nouvelle entrée, Hatleet, avec Beyond the Neighborhood. La 28e, un autre album qu'on a bien aimé, toi et moi. Oui, oui, en effet, c'est Run with the Kittens avec Bangers and Mash. 27e position, c'est Baby Shambles avec Shudder's Nation. Ensuite, on plonge. On remonte au sommet. Pas au sommet. Le milieu, maintenant. Le milieu du sommet. C'est comme la pataugeuse. Hein? Oui, la pataugeuse, et voilà. Voilà. Position numéro 14, Invisible Man avec Music for Lost Souls and Misfits. Maintenant, là, on remonte à la surface. Position numéro 3, remontée de 2 places. Yeah, yeah, yes, avec Is Is. Position numéro 2, c'est montée de 2 places. The Details avec Draw a Distance, Draw a Border. Et le numéro 1 est là depuis 11 semaines. C'était le numéro 2 la semaine dernière. Wow, Interpol avec Our Love to Admire. Maintenant, on revire la page et on revient à notre position. Position numéro 4 déjà. On s'en va entendre du côté anglophone, Galactic avec What You Need, mais tout de suite. We Are Wolves avec... Non, c'est pas vrai. Oui, tout à fait. We Are Wolves avec Magic. Je pense que t'es comme une magicienne. Je suis comme une magicienne. Tu fais changer les positions de place. Ouais, c'est comme... en effet, on oublie de faire le guiling-guiling-guiling avant de changer de place. Ah, c'est vrai. Guiling-guiling, on va le faire pour toutes les pages qu'on a... Guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling-guiling Oh, yeah. Miles, I got clothes. front row to the globe, try to see by some one-liners, some throwing some yo mamas. Oh, no credit, no credit, no pop. You'll be riding the style in a Honda, though, out of it, no time. No radio and no ties, it's just exposed wide for the ride so quiet. Yeah, no violence, I told y'all before, man, you break it, you buy. Come on, make me an offer, baby, buy me out. Oh, here on the corner, right here, right now. So what you need, You want it, baby, I got it. Okay, well, what we'll do is we'll just shrink down to large, you know what I mean? It'll be all good, no problem. How much you got on? That's enough. I got girls gone wild, cab drivers gone wild, the world gone wild, rabbis gone wild, president gone wild. But hey, then again, it's just reruns of old CNN. It's whatever y'all want, carte blanche, the vice president's book, called Memoirs of a Heartthrob. Oh, your favorite is the song, paperback. Hell no, you can't take it back. You said Betamax. Come on now, people, I gotta pay the rent. Paperclip, shady kids, raisinets, laser pens, baguettes, cigarettes, raiderettes, and vinaigrette. I got some cable nets made by kids in Bangladesh. Letters, numbers, color shit, you can buy a bath. All on the corner, right here, right now. I take no calls, chase calls, green calls, the race calls, and any legal tender with a white man in the center. You want it, baby, I got it. C'est ce qu'il te faut. What you need? What you need? The Galactic featuring Lyrics Born de l'album From the Corner to the Block. C'est la position numéro 4 anglophone. Ça monte de 4 places. Et en francophone, on avait We Are Wolves avec Magic, qui était en 7e position la semaine passée et qui est remonté en 4. Et c'est magique, parce que c'est si magique. C'est magique, c'est sûrement c'est des magiciens. Si c'est des magiciens. Ouais, ça sent bien. On est rendu au numéro 3. Tout de suite, on s'en va entendre du côté anglophone les Ya Ya Ya's avec Rockers to Swallow. Mais avant, Olinéa avec Les Hostilités. Et restez là, tantôt, on parle du Zone Campus. Ouais, assez fou. 89.1 FM. C'est les Polaroids, c'est fou. Yeah. Yeah, yeah, yes. The Details. Alexandre Champigny, au palmarès. C'est fou. C'est fou. Oh. Tout de suite, voici le numéro 3 anglophone. Yeah, yeah, yes, avec Rockers to Swallow. Au palmarès. C'est fou. Hey, on parle Zone Campus dans 2 minutes. Yes. Et 57 secondes. Oh, c'est assez précis. Oui. Yeah, yes. Avec Rockers to Swallow. Absolument, ça vient de l'album qui s'appelle Is. Et c'est la position numéro 3 anglophone. C'était précédé de la 3e francophone. Olinéa avec Les Hostilités. Oui. Et maintenant, oui. C'est vrai. C'est notre grand plaisir, comme toujours, d'accueillir une dame. Qui Oh! Fait donc savoir. Bien dit, j'aime ça. C'est Elisabeth Marino, la rédactrice en chef du journal de l'université qui s'appelle Zone Campus. Oui. Et la prochaine édition sort ce lundi, là. Juste celui-là, là. Oui, soit voilà, celui qui est lundi dans le passé le 15. Ou dans le futur, dépendant de... oui, 15 octobre. 15 octobre? Oui. Disons une date juste comme ça, le 15 octobre. 15 octobre, date bon là-dessus. C'est ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe cette semaine dans Zone Campus, Elisabeth? En une, on a misé sur les Patriots hockey qui entament leur saison régulière. Donc, mercredi, ils vont affronter les Redmen de McGill au Palisades Trois-Rivières, mercredi 17 octobre. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent en direct, oui, il reste quelques jours à patienter. Pour ceux qui écoutent en rediffusion du mercredi, à vos tickets, c'est ce soir que ça se joue. Et la ceux qui écoutent le jeudi, c'est au passé. Ah, ben oui. On n'y pense pas. La marde, ben oui, c'est ça. Enfin. C'est la marde à la radio, elle dit ça. Non, on peut pas au montage. En actualité. En actualité, un beau pot pourri d'actualité, encore une fois. Vincent Côté-Léger, qui est chef de pupitre de la section, a rencontré le nouveau président de la GE au sujet des dossiers à surveiller cette année. Il est aussi question du remplacement actif du VP interne, alors que Marc Benoît avait été élu en septembre dernier. La responsabilité du poste en incombe désormais à Jimmy Gagnon, son adversaire dans la course. Dans un autre registre, on aborde la relocalisation, des assos étudiantes. Depuis le début de l'automne, les étudiants ont eu le temps de se faire une idée au sujet. C'est pas surtout négative. Hein. Surtout négative, tout ça, c'est pas sans surprise dans le fond qu'on se rend compte que les opinions sont mitigées. En guillemets, là. André, gros guillemets. On fait des air quotes. Oui, Mathieu. Ou des rock quotes. Oui, Mathieu. C'est ça. Jamais rock quotes. Enfin, on en rediscutera. OK. Je suis désolée. Continuez, je m'excuse. Les fans aussi de la plume virulente de Guillaume Cholette-Janson seront ravis de lire ses derniers excès d'humeur. Non, mais c'est quand même... Son dernier coup d'inchole, comment on l'appelle? Coup d'inchole, voilà, c'est non officiel, mais c'est tout aussi significatif. Voilà. Donc, figurez-vous, donc, notre columniste s'en prend aux espaces du stationnement cette fois-ci, sur lequel il n'a pas besoin de posséder une voiture pour constater le problème que Guillaume considère ici sous deux angles. Soit il n'y a pas assez de stationnement, soit il y a trop de voitures, donc... en tout cas, ouais. Dans un sens comme dans l'autre, il y a un problème, puis il varge dessus. OK, oui. C'est sévère, hein, je pense. J'ai entendu des opinions là-dessus. J'ai hâte de lire ça pour vrai. Ouais, ben c'est sévère, mais je pense que c'est justifié. Je pense qu'il y a une réflexion à faire sur le sujet, puis c'est une belle amorce, comme on dit. Mm-hmm. En éditorial, un plaidoyer sur les webzibitionnistes. On ne sait pas trop encore comment le dire, mais enfin, c'est les internautes qui n'hésitent pas à s'afficher. C'est Virginie et moi, pas mal tout le temps. Hein? On s'assume, on s'assume. On s'assume. Ah, moi aussi, à fond. C'est ça, puis dans le fond, on mise. On se penche particulièrement sur le réseau Facebook qui compte internationalement plus de 40 millions d'usagers. Puis l'UQTR commence à jouer un petit peu là-dedans. Fait que, je crois qu'on est rendu près de 1000, il me semble, inscrits. Ah, ben c'est, ben, ça l'approche de 800 actuellement, mais c'est sans compter les gens qui ne sont pas inscrits au réseau. Qui sont quand même de l'UQTR. Qui sont quand même de l'UQTR, puis qui flânent un petit peu partout. Là, juste pour donner un petit cue aux gens, là, mettez-vous dans le réseau, ça vous permet de voir les photos de tout le monde du réseau, juste ça de même. T'sais. C'est un cue. Ça vaut la peine. Un cue comme un autre. Aussi, parlant de cue, non. Okay. aussi, Alex Drouin et Gabriel Raymond nous ont concocté une fois de plus une caricature, ma foi, plutôt tordante, mais ô combien succulente. Mm-hmm. Comme des bêtes. Comme des bêtes. Voilà. Donc, c'est à voir. Moi, j'en dis pas plus. Puis, pour ce qui est du Vox Pop, on voulait connaître les projets des étudiants pour la semaine de relâche qui s'en vient à grands pas. Ooh. On s'en souvient. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les actualités en général. On va arrêter ici. Oui. On fera le spectacle de sport tantôt. On s'en va entendre nos positions. Merci, premièrement. Ah, fait plaisir. Je te remercierai plus en détail tantôt. Voici notre position numéro 2. Parlant de Q. Denis Terz avec lui, The Souvenirs, mais on commence par Alexandre Champigny. Avec Je vais m'hypnotiser. Assez fou. 89.1 FM dans vos oreilles. Parlant de Q. Ah ah, parlant de Q. Des palmarès de C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Numéro 2, francophone. Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. Maintenant, on continue le tour du journal Zone Campus de la semaine du 15 octobre avec Elisabeth, la rédactrice en chef. Oui, donc, nous poursuivons en art et spectacle. Oui. Cindy Bédard revient sur les festivités qui entouraient le 10e anniversaire de la station C'est fou FM. Ouais, c'est une bonne station, ça. J'entends des bons commentaires. Ouais, moi aussi, je n'ai que des bons commentaires. Bon, cette bon feedback, ouais, toujours, toujours. Donc, les formations musicales qui ont ajouté leur couleur aux festivités. Je voulais dire célébration, c'est comme... Mais il y avait des célébrités, par exemple. Il y avait des... Oui, c'est justement des gens de la formation Ram Hounds, la Baroque Machine, Jesus Bench, 400 livres, Mid Underglow et Écotron. Tous très, très bons groupes. C'était vraiment génial. Et voilà. C'était un succès, ce soir-là. C'est drôle à dire comme ça. C'est comme se flatter nous-mêmes, mais c'était un gros succès. Oui, il y avait quand même un bon nombre de personnes. Oh, mon Dieu. C'est terrible. un peu plus loin, Cindy revient aussi sur la prestation de Paul Carniello à la Chasse-Galerie. Paul Carniello, c'est un auteur, compositeur, interprète et poète qui a livré un spectacle qui est assez intense à la sauce folk-punk. Mmh. Oui, ça devait être... J'étais pas là, mais ça devait être quelque chose de groovant, comme on dit. C'est ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit. Aussi, dans la section, vous retrouvez des critiques CD, ainsi que le calendrier des spectacles. Tout ça vous attend dans... Zone Campus. Nous, maintenant les sports. Les sports, donc, en gros titre, les Patriotes de golf qui échappent le championnat provincial. Donc, c'est triste, mais c'est des choses qui arrivent et ils vont pouvoir se reprendre. C'est la réalité. Exactement. Il y a aussi plusieurs articles qui sont consacrés à la formation de hockey masculin, comme on le voit aussi en cover quand même. Notamment, le collaborateur Stéphane Robert présente alignement pour la saison 2007-2008. Puis bon, aussi, il fait évidemment l'annonce du match du mercredi 17 octobre qui opposera les Pats à leurs rivaux de toujours, les Redmen de McGill. Mmh. Mm-hmm. C'est satané Redmond. C'est satané Redmond à abattre. Ouais. Donc, pour sa chronique Histoire de Patriotes, André Martin, le chef de pupitre, rencontre deux anciens des Patriotes soccer qui s'alignent maintenant avec l'attaque de Trois-Rivières, soit Jean-Louis Bessé et Nicolas Lesage. Et enfin, en soccer, un premier gain pour la formation féminine en 2 ans et du côté masculin, un petit retour sur les derniers matchs de formation. Pour les deux équipes, il reste encore que quelques matchs à terminer pour la saison en cours. Donc, c'est à voir cela et bien plus. Dans le prochain numéro du Zone Campus. Ah, oh, ça rime! Oui, j'aime ça! Mmh. C'est le numéro qui sort le 15 octobre. Oui, soit lundi prochain. C'est ça. Ou lundi passé. Ou lundi passé. Tout dépendant. Oh, que c'est mêlant. Ben oui. Donc, merci beaucoup, Elisabeth Marino, qui est la rédactrice en chef. Un plaisir. Du journal Zone Campus. On la retrouve à chaque semaine ici dans les Palmarès. C'est fou. Nous, ça va entendre les positions numéro 1 du côté anglophone, c'est Intrip. Oh, attends, non. Oh. Non. Du côté anglophone, on les dit pas d'avance. Non. Mais on est trois en studio en ce moment. On est trois. Il y a pas de jeu là-dedans. Mm-hmm. C'est nous trois. Ça, on est un groupe, d'accord. Et dehors, là, présentement, les vendredis soirs, là, fait pas très très beau. Non. Je pense qu'on devrait tout rentrer chez nous, là. Faire l'affaire là à trois, puis picoter en même temps. Non, on me regarde drôle, j'ai un peu honte, je vais me coucher. C'est ça qu'elle a dit? C'est ça qu'elle a dit, ouais. En plus, on sort en braille, on fait ses dents. En courant, on se plante sur le cimet. Cherche le sens de la vie, laisse tomber. Enlève tes petits trous dans si assez. La barre, une coupe d'année sur la dérape. Café, puis on se rattrape. Si tu cherches la bougie d'allumage, viens mettre ton petit doigt dans l'engrenage. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, on t'aime un vrai temps. On se voit, on rêve, on jase, on se fait la cour. On s'aime, on doit ton corps, on se traîne en cours. Ben la vie, j'pingue les nerfs. J'vous ai dit de garder les mains en l'air. Les pieds dans mes pantoufles, j'ai perdu le rythme. Quand tu m'as mes mots, ça tourne trop vite. Après un bon pis bon emmuré, on me creuse un petit trou, j'suis expiré. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans les vents. Jour après jour, jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent. Jour après jour, pour qu'un mauvais temps. Machine avec le numéro 1 francophone, beau temps, mauvais temps, c'est très stable. Très, très stable et on aime ça. On s'en va entendre, le numéro 1 anglophone. On le nomme pas, mais on le fait-tu ce soir? On le fait ce soir. L'affaire à trois personnes? Ce soir? J'entends par là jouer aux cartes, évidemment. Évidemment. Strip poker. OK. Dans mon lit. Parfait. C'est trop loin? OK. Yeah. you've stood by my side, and life is wine. Do you feel the sweet breath of time? It's whispering its truth, not mine. There's no I in three songs. Interpol avec No Eye in Threesome au Palmarès C'est fou, c'était le numéro 1 anglophone. Ouais, ce qui met fin. Absolument, ça met fin. Alors, on va résumer le top 5 rapidement. Je vais te laisser faire le côté francophone, parfait, s'il te plaît. En numéro 5, on avait DJ Matan de Frac avec Lettre à un Cowboy. En position numéro 4, We Are Wolves avec Magique. En position numéro 3, Olinéa avec Les Hostilités. En 2, Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. Et en numéro 1, Tricot Machine avec Beau temps, mauvais temps. Wow. Wow. Du côté anglophone, numéro 5, c'est Steve Hill avec NASA Made. En 4e, c'est Galactic avec What You Need. En 3e, c'est les Yeah Yeah Yeahs avec Rockers to Swallow. En 2e, c'est Reunion Souvenirs de la formation The Details. Et le numéro 1, on vient d'entendre, c'est Noah in Threesome de l'album Our Love to Admire de la formation Interpol. Voilà, c'est vos palmarès pour la semaine du 12 au 18 octobre 2007. Merci beaucoup, Virginie, la stagiaire. Ben, ça m'a fait plaisir, Mathieu. Merci beaucoup, Elisabeth Marino, du journal Zone Campus. Ah, toujours un plaisir aussi, Mathieu. Merci à vous d'avoir écouté à la maison, où vous soyez dans votre voiture, dans votre barge, en train de pêcher. Évidemment. Je sais pas, quelque chose du genre. Devant votre ordinateur. Devant votre ordinateur. Si vous êtes un des nombreux. Derrière votre ordinateur. Derrière. Sur votre ordinateur, si vous aimez ça. Par en dessous, en dessous, en dessous. En dessous. Oui. Partout. Partout. Surtout par Amargia. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit. C'est pas mal ça qu'elle a dit. Hein. Et moi, ben, je vous ai dit au revoir. Et moi aussi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Bye. Bye. Bye. On vous aime, là. Oui. Pas juste par Amargia. On arrête ici. On arrête. On fait une autre émission la semaine prochaine, par exemple? Ben, évidemment. On essaye. On essaye.